L'équipe, je suis devant la cage, mets des cartouches. Concurrence, j'en fume des cartouches. Blackjack envoie la petite blanche, prends des cartouches. Blind survie pour les concentrations. Tu as ta carte et dans ton centration. Que sont les Indiens d'Amérique, que sont l'esclavage, rêve des. Fume du méthane, on sert 6-6-7 comme du métal. Avec l'auto sous le miel du Népal. Investi dans de la pierre, pas du métal. Pétasse, on appelle, c'est pour collecter. Et sur la prise, je suis connecté. 6h du match, dors pas, fonce car je geek, je suis hors ligne, mais je suis connecté. Débat même sans connexion, je vais au village pour les protections. Rap génie, prof chaîne, j'ai les corrections. Cadavre de prod, j'ai des collections. Garde bien, bientôt j'ai le AMG. Je suis un CH, gros terre de AMG. L'argent c'est rien, respect c'est tout. SOGFG, AMG. 7 MMS, OVG, équipe. Je le métal, je suis protégé, équipe. On appelle, c'est pour collecter. Et sur la prise, je suis connecté. 6h du match, dors pas, fonce car je geek. Je suis hors ligne, mais je suis connecté. 6-7 MMS, OVG, équipe. Je le métal, je suis protégé, équipe. On appelle, c'est pour collecter. Et sur la prise, je suis connecté. 6h du match, dors pas, fonce car je geek. Je suis hors ligne, mais je suis connecté. Shenzhen, c'est j'enchaîne les gros katas. J'mixe le lin dans le fantasy au kata. Pas de concu, c'est désert comme au Qatar. J'fais mes bails en lousse. J'transige comme si j'suis au KGB. J'coupe l'audio de Kofantanil avec flemme au studio KGB. Péta, j'suis fonce dans le vaisseau comme Albator. Ceinture Ferragamo Salvator. J'suis John Luigi, t'es Salvator. J'équipe à vie comme Francesco Totti. C'est des cobayes ou des prototypes. Shenzhen, carte bleue dans la défense. J'bombarde comme Marcelo Totti. Et je suis pas comme eux, comme si j'ai subi des mutations. Rien qui lui a vu réputation. Prochaine bientôt ministre de l'éducation. Là pour les caléfices, l'un des comptes sort les maléfices. 6-6-7, qui lui a vu, pas de couper des caléfices. Eux font 300 ml, négro c'est le tirofa. Fuck 12 team, no lacking, j'ai repère de loin même s'il y a pas le girofa. Gardez un gros joint de cookie, j'suis pas un rookie. Caca marron comme un wookie. Équipe à fond comme un Tuki. S.O.K. qui tu fais le gueuche comme un pookie. Équipe 6-6-7, MMS, OVG, équipe. Je le métal, je suis protégé, équipe. On appelle, c'est pour collecter. Et sur la prise, je suis connecté. 6h du match, dors pas, fonce car je geek. Je suis hors ligne, mais je suis connecté. 6-7, MMS, OVG, équipe. Je le métal, je suis protégé, équipe. On appelle, c'est pour collecter. Et sur la prise, je suis connecté. 6h du match, dors pas, fonce car je geek. Je suis hors ligne, mais je suis connecté. Sur la porte comme si je me dédouble. Tous les jours RPP tout. Je regarde le jeu, je vois que des clones et des dos. Les gros même au point mange les dos. Sur la porte comme si je me dédouble. Tous les jours RPP tout. Je regarde le jeu, je vois que des clones et des dos. Collecter 6h du matin, je dors pas, fonce car je geek, je suis en ligne, mais je suis connecté.